Boum boum boum. Boum boum boum. Musique française. Des années 60 à 80. Il est 22h, nous sommes un mercredi, vous êtes sur Prune, c'est l'heure de Boum Momo. Jonas, non pas aux platines, mais derrière le micro cette semaine, j'espère que vous allez bien. Et cette semaine, attention, grosse pointure, on est super content de recevoir à Boum Momo Camille Bertin, connu aussi sous le blaze de Plastic Bambou, ancien membre du collectif Les Yeux Oranges, ancien habitant de Manchester, aujourd'hui installé à Paris, super digger et top DJ. Sa chaîne YouTube incroyable a largement influencé Vincent, notre aimé jockey national. Il y a partage des disques méconnus chinés ici et là, notamment des morceaux français. Plastic Bambou a lancé fin 2020 aussi son propre label Caldera Records, sur lequel il a sorti un très beau premier disque, le LP Rester Partir, du compositeur suisse Louis Crélier. Son mix francophone et français qui va suivre, et en exclusivité pour Boum Momo, est à la hauteur de sa réputation. Curieux, cohérent, pointu, bref, un régal. Plastic Bambou, je te laisse les platines. Et à toutes les auditrices et les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine et bonne écoute. Ciao les petits loups. délation, ces éternelles petites trahisons. C'est si banal, c'est sans raison, personne n'y fait plus attention. Faut amortir, mieux vaut en rire, et sans rougir, toujours trahir. Si je repense à cette soirée, je peux pas dire que c'était tellement gai. Au moins c'est drôle à raconter, c'est cruel les mondanités. Faut amortir, mieux vaut en rire, et sans rougir, toujours trahir. Tu ne trouves pas qu'Olga a maigri, la dépression lui réussit, mais Paul a bien fait de la quitter, depuis le temps qu'on le lui disait. Faut amortir, mieux vaut en rire, et sans rougir, toujours trahir. Si tu savais ce que j'ai morflé avec le dernier fiancé, quand je pense à toutes ces nuits foutues, à pleurer sur un inconnu. Faut amortir, mieux vaut en rire, et sans rougir, toujours trahir. Prête à trahir tes sentiments, tu ris toi-même de tes élans. Car l'essentiel, vois-tu, c'est ça, surtout ne rien garder pour soi. Faut amortir, mieux vaut en rire, et sans rougir, toujours trahir. La vérité se travestit, ta sincérité empathie. Mais pour tenir jusqu'au dessert, il faut médire, y'a rien à faire. Faut amortir, mieux vaut en rire, et sans rougir, toujours trahir. Faut amortir, mieux vaut en rire, et sans rougir, toujours trahir. Oh. Pardonne-moi si j'ai le rythme dans la peau. Ça vient du pays où je suis né ou bien de ce que j'ai fumé. Pardonne-moi si j'ai le sang un peu trop chaud. Ça vient du soleil sur ma peau ou bien de toi à mes côtés. Thank you. Pardonne-moi si ta chemise est déchirée. Ça vient des passions qui me brûlent et qui ne font que m'énerver. Pardonne-moi si les étoiles nous regardent. Ça vient de la nuit bien trop douce pour se cacher de nos amours. Sous-titrage Société Radio-Canada. Yes, me love Manolo, Manolo, nos La mathématique de l'amour.